ordre est alors donné dans l'île pour fêter la destruction de la flotte turque avant même d'avoir été attaquée et pour fêter le mariage d'Othello et d'Esdémone. Tandis qu'Othello part avec Desdémona faire une nuit joyeuse avec elle, Iago force Cassio à boire pour le discréditer aux yeux du gouverneur de Chypre. Et Cassio se bat en duel avec celui-ci. Othello intervient et destitue Cassio son lieutenant. Iago conseille alors à Cassio de se rapprocher de Desdémona pour entrer en grâce auprès d'Othello, car la femme du général, dit-il, et maintenant, le général. Satisfait de ce conseil, Cassio quitte Iago.